m'apparaissent inexplicables. À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France de jour. Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des vous filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Pour étudier la première moitié du XXe siècle en Chine, laquelle est déchirée par des troubles politiques, culturels, économiques de tous ordres, les problèmes d'irrigation centré autour de la reconstruction d'un canal, le canal Tinhue, dans la province du Shaanxi, nous donne une vue à la fois large et très précise du rôle joué par les multiples protagonistes en présence dans cette région du monde. Dans son cours consacré aux ingénieurs et philanthropes dans la Chine des seigneurs de la guerre, Pierre-Étienne Ville fait revivre les personnages qui ont travaillé sur ce canal et nous permet de comprendre de l'intérieur les multiples enjeux en place sur le terrain. Il interroge les sources américaines, et singulièrement celles de l'ingénieur américain Todd, personnage haut en couleur, qui dirigeait le chantier pour le compte d'un groupe philanthropique américain, la CIFRC, mais il s'intéresse aussi bien sûr aux ingénieurs chinois qui travaillaient sur ce projet, comme Li Zhe et ses adjoints, tous formés en Europe et qui devinrent par la suite des héros pour la Chine. Pierre-Étienne Ville poursuit, dans le cours que nous entendrons ce matin, son enquête savante sur ces ingénieurs chinois. Aucune source chinoise ne nous dit quoi que ce soit sur les relations, pourtant très suivies, qu'entretenait Li Zhe avec ses collègues étrangers travaillant en Chine. C'est donc de cela que je voudrais dire un mot avant d'évoquer brièvement les écrits extrêmement riches et intéressants de Li Zhe lui-même. Si l'on souhaite se faire une idée un tant soit peu concrète des relations de travail, car à l'évidence il s'agissait essentiellement de relations de travail, entre Li Zhe et ses collègues chinois, d'une part, et d'autre part leurs collègues américains ou européens, il faut donc, je viens de le dire, se tourner de nouveau vers les sources non chinoises que j'ai évoqué il y a 15 jours, et en particulier, puisqu'aussi bien c'est cela que j'ai eu la possibilité d'étudier pour le moment, en particulier vers les archives de Todd et les correspondances qu'elles contiennent. Si les échanges entre Todd et Li Zhe, du moins ceux qui ont été conservés, sont peu nombreux, les échanges directs je veux dire, et portent plutôt sur des sujets techniques, en revanche, Li Zhe lui-même et à l'occasion d'autres ingénieurs chinois en affaires avec Todd, sont mentionnés dans un certain nombre de lettres adressées à d'autres correspondants ou venant d'eux, ainsi que dans certains rapports. Todd et Li Zhe ont été en communication très tôt à propos des plans de réhabilitation du système d'irrigation de ce qui était alors encore le canal Longdong. Une raison importante à cela, c'est que Li Zhe, qui était revenu travailler au Shaanxi en 1922, après de longues années d'enseignement à Nankin, était membre de la section provinciale de la CIFRC, l'Association internationale de secours contre la famine en Chine, la CIFRC dont Todd, au moment où ils entrent en contact, venait d'être nommé chef du département d'ingénierie. On trouve en effet le nom de Li Zhe, ou plus exactement en l'occurrence Li Xie, son vrai nom d'origine, dans les rapports de la section du Shaanxi, inclus dans les rapports annuels de la CIFRC datant de ces années. Dans certains articles de Todd sur le projet du Weibei, Li Zhe est d'ailleurs désigné comme l'ingénieur de la CIFRC au Shaanxi, ou notre ingénieur au Shaanxi, alors que, à strictement parler, il était un ingénieur travaillant au Shaanxi, et même avec des fonctions très importantes, qui se trouvait par ailleurs être membre du comité local de la Commission internationale. Quoi qu'il en soit, Li Zhe, qui savait pertinemment que la reconstruction du système n'aurait aucune chance de se faire sans financements étrangers, avait communiqué ses premiers relevés et ses premiers projets à Todd. Et ce dernier était venu avec lui visiter le site du Longdong au printemps 1924. Todd évoque ce déplacement au Shaanxi dans la courte autobiographie à compte d'auteur qu'il a rédigée à la fin de sa vie. Et comme il nous l'explique, et c'est confirmé par d'autres documents, il voyageait en compagnie du premier secrétaire général de la CIFRC, qui était un Américain appelé Walter Mallory, auteur d'un ouvrage paru à l'époque et ayant eu un assez grand retentissement, intitulé tout simplement « China, Land of Famine », la Chine, le pays de la famine. Et on peut dire, je crois, que c'est cet ouvrage qui a popularisé, en quelque sorte, si on peut dire, en Amérique, la notion d'une Chine dont les masses étaient fatalement, et depuis des temps immémoriaux, condamnés à souffrir de famines aussi terribles que récurrentes et auxquelles seule l'aide de l'Occident moderne pourrait en fin de compte les faire échapper. Faisait également partie de ce voyage un spécialiste des forêts et de l'érosion, un certain Walter Laudemilk, qui était à l'époque professeur de sciences forestières, forestry, à l'université de Nankin, ainsi que deux archéologues de la Freer Gallery de Washington, qui était en quête d'objets anciens. Et Dieu sait si le Shaanxi regorge de vestiges archéologiques. Je le mentionne parce que nous avons une trace photographique de cette visite. Et cette photographie, que j'ai trouvée dans un article sur l'histoire du canal Jungo et de sa métamorphose moderne, publiée presque 20 ans plus tard, en 1942, dans le Scientific Monthly, le mensuel scientifique, aux États-Unis, à Washington, par Laudemilk et par un certain Wickes, qui est le co-auteur, qui semble avoir été le sinologue de l'équipe, mais inconnu par ailleurs, je n'ai jamais trouvé d'autres travaux de lui. Donc un article très bon d'ailleurs, richement illustré de photographies et exploitant un grand nombre de sources chinoises anciennes, une monographie locale du Shaanxi en particulier, consultée par les auteurs à la Bibliothèque du Congrès, donc toujours à Washington. Les photographies de l'article sont apparemment de deux origines. Certaines, comme celle-ci, datent du voyage de 1924, alors que les photos sur le canal moderne sont, par définition, postérieures à 1930. On en retrouve d'ailleurs partie dans certains articles de Todd, ou d'autres gens d'ailleurs, publiés juste après l'inauguration, et il est tout à fait possible, et assez probable en fait, qu'elles soient de Todd lui-même. Dans tous les cas, je tenais à vous la montrer, cette photo, car c'est à ma connaissance la seule photo conservée où l'on voit à la fois Todd et Li Jie. Li Jie est là, à l'extrême droite. Quant à Todd, c'est le voilà. Et le seul autre personnage identifié dans la légende de cette photographie, c'est donc ce spécialiste du centre de sciences forestières, Laudemilk. Et puisque j'y suis, je vous montre encore cette autre photographie de Li Jie, qui doit dater, elle, de 1923, puisqu'on la trouve dans un pamphlet assez remarquable, dont je reparlerai d'ailleurs, publié en anglais par Li Jie en 1923, donc, pour présenter ses projets. Du moins, pour présenter le premier en date de ses projets, qui était également le plus ambitieux. Pour les présenter au public, justement, anglophone, c'est-à-dire à tous ces responsables d'organisations philanthropiques sans l'aide financière desquelles il était hors de question de lancer un pareil chantier en Chine à cette époque. Le pamphlet en question est assez remarquable, disais-je, parce que, outre le portrait de Li Jie, donc ce portrait-là, on y trouve ceux des trois seigneurs de la guerre qui contrôlaient alors la région, de près ou de loin, et sous la protection desquels Li Jie plaçait en quelque sorte son projet. Mais j'y reviendrai très prochainement et je vous montrerai d'ailleurs à ce moment-là les portraits de ces trois soudards. Pour revenir à cette photographie, Li Jie est alors âgé d'une quarantaine d'années. Et en la regardant, et plus encore d'ailleurs en regardant la précédente, donc ici, en la regardant, on ne peut pas s'empêcher de penser au sobriquet dont l'affublaient ses camarades chinois à l'époque de Berlin, à cause justement de sa figure, de sa face. Ils l'appelaient le singe, Ho. Ce dont il ne semble d'ailleurs pas s'être particulièrement offusqué. Il dit quelque part que les deux principaux surnoms qu'on lui donnait à l'époque, c'était le sage et le singe. Dans tous les cas, ce portrait est évidemment assez différent de sa photo la plus connue, très souvent reproduite et que je vous montre au passage, et qui doit dater, elle, de ces dernières années, et qui est, me semble-t-il, la photographie d'un homme déjà usé. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur les relations entre Li Jie, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre de ses collègues chinois les plus cotés, et le milieu des ingénieurs étrangers, en l'occurrence essentiellement américains, travaillant en Chine. Je dirais simplement, à présent, sans vouloir anticiper, que aux yeux de ses collègues non chinois, Li Jie était une autorité. Il faisait clairement partie de cette petite élite d'ingénieurs chinois formés dans les meilleures universités étrangères et assumant en Chine de hautes responsabilités à laquelle j'ai déjà fait d'ailleurs allusion. À ce titre, son travail était très respecté et les seules traces de critiques que j'ai rencontrées, venant en l'occurrence d'Eliassen et relatives à leur collaboration sur le projet Weibei, en 1931 et 32, relève plutôt de l'agacement mutuel ou de l'aimable rivalité entre collègues. Il a mal fait ses calculs, ses subordonnés n'ont pas construit assez solide, là où c'était eux qui étaient en charge, il n'est pas assez prudent pour tester le canal parce qu'il veut épater les commanditaires, etc., etc. Mais en fait, cela ne va pas bien loin, et il ne faut pas oublier que les travaux du Tianhuizhou, du canal Tianhui, ont été achevés en grande date, pour être prêt justement le jour de l'inauguration, et que Eliassen lui-même a reconnu après coup que tout était loin d'être parfait. Ce qui me semble au contraire frappant dans l'ensemble des documents que j'ai pu voir, c'est la très grande confiance envers Li Jie et ses collègues, appartenant à cette petite élite d'ingénieurs chinois occidentalisés, la très grande confiance manifestée en l'occurrence, puisque ce sont les documents que je connais, par Todd et par Eliassen. Cette confiance est en fait double. Elle est d'abord, cela va de soi, une confiance professionnelle, et cela sera particulièrement en évidence au moment du conflit entre les ingénieurs de la CIFRC et les experts de la Société des Nations qui critiquent leur réalisation au milieu des années 1930, lorsque Todd et Eliassen publient, et j'y ai d'ailleurs déjà fait allusion, une réfutation cinglante des dites critiques. Or, ce n'est pas simplement Américain contre Européen. Dans cette querelle entre professionnels, en effet, Todd et Eliassen tiennent absolument à avoir le soutien public de leurs collègues chinois, et celui de Li Jie en premier lieu. Et ceux-ci, en effet, s'exécuteront en publiant des notes en accompagnement de l'article de Todd et Eliassen, quitte à se le faire sévèrement reprocher, pour certains d'entre eux, par leur employeur, le gouvernement chinois. Après tout, les experts de la SDN travaillaient pour le compte et à la demande du gouvernement chinois. Mais cette confiance dont je parlais est également une confiance politique. On peut voir dans les correspondances entre Eliassen et Todd, vers la même époque, qu'ils discutaient très librement avec Li Jie des problèmes politiques et des rivalités entre factions au sein du gouvernement du Kuomintang, qui gênaient l'action de la commission du fleuve jaune pour laquelle ils travaillaient tous les trois, ou avaient travaillé dans le cas de Li Jie, qui avait fini par rendre son tablier. Et au Shanxi, Li Jie, qui était un personnage important, puisqu'il était chef du bureau hydraulique de la province, et qu'il jouissait à l'évidence d'un très grand prestige, Li Jie s'est apparemment révélé un allié en qui on pouvait faire pleinement confiance à l'occasion de certains incidents graves, ayant opposé la CIFRC au gouvernement provincial, et en particulier à Yang Hucheng. Par exemple, au moment du kidnapping d'Eliassen, où les autorités de Xi'an ne s'étaient pas montrées particulièrement pressées d'agir. Ou encore, quelques mois plus tôt, lorsque trois étrangers, dont un missionnaire suédois travaillant pour la CIFRC, ainsi qu'un jeune ingénieur chinois, qui circulaient en voiture à proximité immédiate de Xi'an, avaient été assassinés par des soldats, avec la complicité apparente du principal lieutenant de Yang Hucheng. Dans de telles circonstances, Todd et ses collègues savaient qu'ils pouvaient absolument compter sur le soutien et sur la loyauté de Li Jie, que celui-ci n'hésiterait pas à intervenir auprès du gouvernement provincial pour défendre leurs intérêts et empêcher que ces problèmes ne soient discrètement enterrés. Je disais tout à l'heure qu'on ne trouve rien dans les sources chinoises, du moins dans celles que j'ai pu consulter, sur les relations de Li Jie avec ses collègues étrangers. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans ses propres écrits, Li Jie y fait parfois allusion. On peut même dire qu'il est un des rares auteurs chinois à évoquer avec précision la présence et le travail de ses amis ingénieurs de la CIFRC sur le chantier du canal Tianhui en 1931 et 1932. De la même façon, on trouve dans ses œuvres choisies, ou complètes suivant la version qu'on utilise, on trouve le texte d'une adresse de 1925 dans laquelle il souligne avec force, c'est un discours, dans laquelle il souligne avec force devant le comité chargé du projet à Sanyuan, l'intérêt des étrangers pour le projet et les excellentes raisons qu'ils ont de se méfier de la collaboration des autorités locales et provinciales et donc d'hésiter à s'engager. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'au-delà de ces quelques notations, les textes de Li Jie, ses articles, ses rapports, ses adresses aux autorités, etc., ainsi que les quelques écrits autobiographiques qu'on a de lui, que ces textes donc se situent dans un contexte d'abord et avant tout chinois. Autant dans les sources dont je viens de parler, émanant du milieu des ingénieurs étrangers installés en Chine. On parle de Li Yijue comme d'un collègue partageant les mêmes préoccupations et les mêmes idéaux professionnels, mais qui se trouve simplement être chinois, et par là même avoir accès à des réseaux politiques et à des informations qui sont hors de la portée des étrangers, mais qu'il accepte volontiers de partager. Autant, dans ses propres écrits, Li Yijue, si ouvert sur l'étranger qu'il soit, apparaît profondément et quasi exclusivement préoccupé par les problèmes qui étaient ceux de tous les Chinois engagés de son temps. Le renforcement du pays par la modernisation économique et technologique, l'unification politique, l'éducation des masses, et ainsi de suite. Et à tout cela, il faut ajouter un souci aigu chez lui de préserver ce qu'il y a de meilleur et de plus fondamental dans l'héritage culturel chinois. Li Yijue, en effet, n'a jamais adhéré à un certain iconoclasme révolutionnaire extrêmement répandu parmi les intellectuels de son temps, surtout dans les années 20. Même s'il s'est rapidement tourné vers les sciences modernes, et s'il a beaucoup bourlingué dans sa vie, il n'a jamais renié l'éducation classique qu'il avait reçue dans son enfance. Bien au contraire, celle-ci reste très présente dans sa façon tout simplement d'aborder la vie, dans ses références et dans la rhétorique même de ses écrits. Il semble avoir eu une immense vénération pour son père, mort en 1932, l'année même de l'inauguration du canal Tsinghua, et il évoque longuement celui-ci dans un petit texte de souvenir, le Nanyuan Yisheng, ce qui signifie réminiscence du Nanyuan. Nanyuan, c'est le jardin du sud. Un petit texte, donc, et le jardin du sud, ici, désigne la maison, plus exactement les grottes creusées dans le Leus, comme on fait dans la région, où ses grands-parents étaient allés s'installer après la grande famine de 1877. Or, ce texte, donc ces souvenirs du jardin du Nanyuan, ce texte a été composé en 1935 pour, dit au début Li Yijue, pour répondre à ceux qui proclament qu'il faut démolir le système familial traditionnel, alors qu'il pense, lui, que ça a toujours été la base de l'édifice social chinois et que ça doit le rester plus que jamais. Et, justement, l'histoire de sa propre famille est là pour le démontrer. Li Tongxuan, qui était le père de Li Yijue, mériterait certainement une étude à part. Il était né en 1860 et comme plus tard Li Yijue et son frère Li Bo, Li Tongxuan et son frère et son propre frère étaient devenus, donc l'oncle de Li Yijue, étaient devenus des bacheliers. Ils avaient passé le premier degré des examens mandarinaux en dépit d'immenses difficultés, mais grâce à la ténacité des grands-parents de Li Yijue, des paysans illettrés. Et ils bénéficiaient à ce titre d'un certain prestige local, même si leurs conditions étaient des plus modestes. De façon assez originale pour des gens de leur formation, ils s'étaient pris de passion pour les mathématiques et y avaient acquis, le frère surtout, une grande compétence qu'ils avaient transmise à Li Yijue et à son frère. Et c'est en fait grâce à cela, et aussi grâce à la présence d'un directeur local des études épris de savoir moderne, que Li Yijue et son frère avaient à leur tour passé l'examen du baccalauréat à Pucheng, donc en 1898. Le père de Li Yijue était un lettré très réformiste, avec des sympathies sun-yat-sénistes et révolutionnaires très tôt affirmées, qui devaient d'ailleurs l'obliger plusieurs fois à se cacher à la fin des Qing et aussi pendant la période des seigneurs de la guerre. C'était en particulier un adepte fervent de l'éducation de masse, de ce qu'il appelait l'éducation sociale, She Hui Tiao Yu, dont il était d'ailleurs non seulement un théoricien, mais aussi un praticien, puisqu'il avait passé la plus grande partie de sa vie active comme enseignant ou comme directeur d'école, surtout dans des villages ou surtout dans des bourgades, disons, du Shaanxi. Et pendant une bonne partie de sa vie à Pucheng, donc il n'était vraiment pas une grande ville. Plus généralement, c'était un militant de ce qu'on est convenu d'appeler la transformation, c'est-à-dire l'amélioration des coutumes. Laquelle transformation des coutumes était traditionnellement considérée comme une des missions fondamentales, bien sûr, des administrateurs locaux, leur mission civilisatrice en quelque sorte. Mais ce qui, dans le cas de Li Tongxuan, voulait plus spécifiquement dire rompre avec les mots caractéristiques de la fin de la période traditionnelle, justement, tels que, par exemple, les pieds bandés ou l'opiomanie. Dans les premières années de la République, Li Tongxuan avait créé au Shaanxi une société pour la transformation des coutumes qui semble avoir été assez active pendant 7 ou 8 ans et avoir connu un certain rayonnement et qui se livrait en particulier et de façon assez intéressante à une sorte d'agite-prop sous la forme de représentations théâtrales. L'ambition de Li Tongxuan était en quelque sorte de détourner pour la bonne cause le théâtre populaire traditionnel qui était extraordinairement apprécié dans toutes les couches de la population, en sélectionnant dans le répertoire les pièces qu'il considérait comme acceptables sur le plan éthique et politique et en y ajoutant ses propres pièces. Il en aurait composé une bonne dizaine qu'il faisait jouer par des étudiants. Et en 1922, par exemple, cela l'avait emmené jusque en dehors de la province, à Hankou, et il en avait profité d'ailleurs pour aller voir à Nankin ses deux petits-fils, donc les neveux de Li Jie, que ce dernier s'apprêtait à envoyer étudier en Allemagne. Bien que simple maître d'école, par son statut même d'étudiant impérial, Li Tongxuan était une sorte de notable, et il semble avoir joui d'un certain prestige au Shanxi. En 1907, en effet, on le trouve vice-président, ou peut-être même président, mais ce serait à vérifier, de l'Assemblée consultative provinciale du Shanxi, c'est-à-dire la Ziyitu. Il s'agissait d'assemblées de notables créées par un édit impérial dans cette même année 1907 et supposées superviser l'administration de la province et préparer l'instauration d'un régime constitutionnel. Plus tard, sous la République, on le voit invité plusieurs fois comme, donc toujours le père de Li Jie, comme conseiller du gouvernement provincial, c'est-à-dire en fait du gouverneur militaire, le Dutun, et je reparlerai bientôt des Dutun du Shanxi, qui n'étaient pas tous des personnages très recommandables. Cela, même si, à en croire justement son fils, ses inclinations, que nous dirions de gauche, lui créaient pas mal de difficultés dans ses relations avec ses gouverneurs militaires. Et en même temps, ce réformiste aux sympathies révolutionnaires, ce militant de la modernisation et, si je puis dire, de la démocratisation de l'enseignement, n'a jamais renié la culture confucéenne basée sur les classiques à laquelle il avait été formé, sans parler du fait qu'à la fin de sa vie, il est devenu un fervent bouddhiste. En fait, je me suis un peu attardé sur lui, d'abord en raison de l'influence à l'évidence très forte qu'il a exercée sur son fils, Li Jie, mais aussi pour essayer de vous donner une première impression de la texture sociopolitique très complexe et surtout parcouru d'innombrables contradictions dans une province comme le Shanxi, à l'extrême fin de l'Empire et au début de la République. Les sources les plus courantes et les plus accessibles nous livrent les noms de quelques gouverneurs, de quelques seigneurs de la guerre ou politiciens révolutionnaires. Elles évoquent dans leurs grandes lignes les événements qui ont secoué la région, la révolution de 1911, les affrontements armés entre partisans des grandes coalitions de seigneurs de la guerre, le siège de Xi'an en 1926, la grande famine qui commence en 1928, l'entrée des troupes nationalistes dans la province en 1930, que sais-je, mais, inévitablement, elle passe par-dessus toutes ces personnalités locales, comme le père ou l'oncle de Li Jie, et d'autres qui sont mentionnées au passage par ce dernier, toutes influencées à divers degrés par les grands mouvements intellectuels et politiques qui agitaient alors le pays, et toutes agissant en profondeur sur une société dont nous n'avons par ailleurs qu'une idée extrêmement abstraite. Or, justement, les textes publiés de Li Jie nous permettent, dans une certaine mesure, de nous figurer cette texture de la société locale dans la région du Guangdong, ainsi que les mouvements qui l'ont traversée pendant toute la période. Et c'est tout particulièrement le cas, bien sûr, des quelques écrits autobiographiques que nous avons de lui et qui nous renseignent de façon finalement assez détaillée sur sa jeunesse et sur son environnement familial et social. Ces écrits ne sont pas reproduits dans les œuvres choisies, le Xuanzi, publiées en 1988 à Pékin, qui sont entièrement consacrées aux textes de Li Jie portant sur les problèmes d'ingénierie hydraulique ou en relation avec l'hydraulique. En revanche, on les trouve dans les œuvres complètes, entre guillemets, le Xuanzi, publié en 1956 à Taïwan, qui, en plus des textes techniques, et ce sont en grande partie les mêmes que dans l'édition de Pékin, en plus de ces textes, comporte une dernière partie qui s'appelle Sélection d'autres écrits. Et celle-ci contient quelques lettres, officielles ou privées, y compris deux lettres à sa femme qui laissent entrevoir l'état d'extraordinaire tension dans lequel Li Jie vivait, quelques essais sur des sujets non hydrauliques, comme par exemple l'enseignement technique dont il s'est beaucoup occupé, ainsi donc que trois textes autobiographiques, à savoir, premièrement, une autobiographie qui s'appelle simplement comme ça, Zizhuan, composée à l'âge de 45 ans, donc en 1927, mais dont le contenu s'arrête en 1911, au moment où Li Jie quitte Berlin pour rentrer en Chine et participer à la Révolution. Deuxièmement, un recueil de souvenirs consacré surtout à son père, et c'est donc le Nanyuan Yisheng dont j'ai parlé tout à l'heure, composé en 1935. Et enfin, des fragments de journal correspondant à la deuxième moitié de 1929 et à 1934, qui sont essentiellement des comptes rendus au jour le jour de visites de terrain sur des sites hydrauliques, avec beaucoup de considérations techniques, des croquis, etc. L'autobiographie est en fait un texte extrêmement riche sur l'enfance et la jeunesse de Li Jue, et le Nanyuan Yisheng contient lui aussi plusieurs données intéressantes, même s'il est moins libre de ton et s'il verse quelque peu dans la célébration hagiographique en ce qui concerne le père de Li Jue. Il y a 8 jours, j'ai fait allusion à certaines anecdotes et à certaines notations reproduites par Song Xishang dans ses écrits sur Li Jue et révélatrices de la personnalité de ce dernier. Et sur la base de l'autobiographie elle-même, je pourrais en citer beaucoup d'autres, comme par exemple, vraiment beaucoup d'exemples, tout ce qu'il raconte de sa vie d'étudiant à Pékin entre 1904 et 1907, et plus tard en Allemagne. Mais cela nous entraînerait trop loin, et plutôt que de m'y attarder, je me contenterai de mentionner en cours de route certains détails qui nous éclairent sur des points plus proches de notre sujet. Mais ce sur quoi je voudrais malgré tout insister maintenant, enfin tout de suite, avant de passer à autre chose, c'est que l'autobiographie de Li Jue est un texte extrêmement vivant et attachant, rédigé dans une langue parlée, très familière et parfois assez drôle, alors que le Nanyuan Yisheng est dans une langue écrite nettement plus formelle, et qu'elle laisse cette autobiographie l'impression d'une personnalité jalousement indépendante, voire même renfermée, infiniment sérieuse, sans pour autant dédaigner la compagnie et les distractions, à condition que ça ne dégénère pas, comme avec ses condisciples allemands buveurs de bière, et surtout, une personnalité infiniment curieuse des gens et des choses, absorbant tout, ne négligeant aucune occasion d'acquérir des nouvelles connaissances, et enfin très marquée, comme je l'ai dit, par l'éducation à la fois confucienne et progressiste reçue pendant les premières années. Cela étant dit, les quelques textes autobiographiques de Li Jue présentent l'inconvénient, pour ce qui concerne notre sujet, de ne couvrir aucune des périodes de sa vie sur lesquelles on mourrait d'avoir un peu plus de détails personnels, ou même de révélation, à commencer bien sûr par les 10 années qui s'étendent des premières investigations de Li Jue sur le site d'irrigation du Weibei à la réalisation finale du canal Tinghui, à laquelle, comme nous l'avons vu précédemment, il a été étroitement associé, même s'il ne l'a pas lui-même dirigé. Li Jue a beaucoup écrit sur ce projet ou autour de ce projet, mais il s'agit toujours d'écrits, si l'on peut dire, publics. Des rapports d'enquête, des projets techniques, au moins un discours d'un très grand intérêt parce qu'il est assez polémique, des adresses aux autorités, etc., etc. Et justement, tous ces textes qui sont d'une extrême richesse factuelle et souvent d'une grande précision et par conséquent de la plus haute utilité pour notre propos, tous ces textes laissent à l'occasion transparaître les réactions personnelles de Li Jue aux événements dont il parle, en particulier son impatience avec le comportement des politiciens et plus encore celui des militaires. Même s'il sait, et sans parler des politiciens devenus militaires, même s'il sait, il y en avait beaucoup à l'époque révolutionnaire, s'il sait aussi composer avec eux lorsqu'il a l'impression qu'une solution est en vue pour réaliser ses projets. Mais il s'agit presque toujours d'articles ou de rapports centrés sur le projet Weibei lui-même et sur ses aspects techniques, sur les coûts, les problèmes de fonctionnement, etc. Le contexte socio-économique du projet est bien sûr évoqué ou apparaît en arrière-plan, mais les écrits de Li Jue ne constituent pas à proprement parler une source primaire sur ce contexte. C'est-à-dire, pour vous donner rapidement une idée de ce dont je veux parler, sur la démographie de la région du Weibei, sur les types de cultures qui y étaient pratiquées, sur l'artisanat rural, sur le niveau de commercialisation de l'agriculture et sur les marchés, sur les prix, sur le niveau de vie des populations et les relations de propriété, donc sur la structure sociale, en d'autres termes, la taille des propriétés, le degré de concentration foncière, le prix de la terre, l'incidence du fermage, la proportion de paysans sans terre, c'est-à-dire de travailleurs agricoles, et ainsi de suite. Et aussi, bien entendu, sur la façon dont tous ces facteurs ont évolué au long de la période qui nous intéresse, sur les à-coups de l'économie et sur les crises qu'elle a traversées, et il y en a eu, on l'a déjà vu, de très graves et même de catastrophiques, et à l'inverse, sur l'impact aussi bien social qu'économique de la construction du canal Tinghui en 1932 et des autres systèmes d'irrigation qui ont été mis en service dans les années suivantes, constituant à terme ces 8 canaux d'abondance du Guangzhou auxquels j'avais fait allusion. Si nous voulons donc nous préoccuper de tout cela, comme il convient de le faire de façon suffisamment approfondie, il devient nécessaire de se mettre en quête d'autres sources que celles dont j'ai parlé jusqu'ici, c'est-à-dire, en l'occurrence, de sources locales. Archives privées ou publiques, publications administratives, presse régionale, etc. C'est là peut-être la dimension de la recherche la plus difficile, et ce, pour plusieurs raisons, dont les deux principales me semblent être les suivantes. D'une part, on part un peu à l'aveuglette et sans trop savoir ce qu'on trouvera, car ce genre d'archives ou de publications régionales sont souvent mal répertoriées, les catalogues imprimés sont rares et les catalogues électroniques consultables à distance encore bien plus. Et d'autre part, conséquence de ce que je viens de dire, il y a un problème d'accessibilité, au sens où une enquête sérieuse ne peut être menée que sur place et que cela demande beaucoup de temps et de patience. De la patience, j'en ai lorsqu'il s'agit de recherche, mais du temps, c'est un autre problème. Autant donc le dire tout de suite, il n'a jamais été envisageable pour moi d'aller passer plusieurs mois au Shaanxi à écumer les fonds d'archives et les bibliothèques, d'autant que dans la Chine profonde, ces endroits ne sont pas toujours très accessibles ni faciles à utiliser, même pour les chercheurs chinois, et qu'il vaut mieux avoir des relations sur place. Ça, on peut les créer. Quoi qu'il en soit, je m'étais plus ou moins résigné à faire l'impasse sur cet aspect des choses lorsque j'ai été contacté par un jeune thésard chinois, M. Zheng Lei, qui travaillait sur l'économie rurale du Guangzhou à l'époque républicaine et jusqu'à la réforme agraire du début des années 50, et notamment sur l'irrigation, et qui avait justement eu la possibilité de passer plusieurs mois à collecter des sources dans la région. Ainsi d'ailleurs qu'à Lanzhou, la capitale de la province voisine du Gansu, qui possède apparemment un excellent fonds d'ouvrages et de revues sur toute la Chine du Nord-Ouest, et où ont été transférées les archives républicaines du Shaanxi. Monsieur Zheng connaissait mon intérêt pour les questions dont je suis en train de vous parler, parce que son professeur à Shanghai, Monsieur Cao Shuti, lui avait passé un papier que j'avais présenté sur le sujet à l'université Johns Hopkins à Baltimore en 2002. Je ne sais pas d'ailleurs comment Monsieur Cao avait eu ce papier, mais peut-être que je lui avais donné quand il était passé à Paris. Et il m'a donc, Monsieur Zheng, envoyé plusieurs travaux de lui sur les transformations de l'environnement et l'histoire socio-économique du Guangzhou, et aussi sur la famine de 1928-1930, dont son mémoire de maîtrise, deux articles en chinois et quelques papiers en anglais, qu'il a présenté à l'université du Michigan, où il a séjourné récemment, et où je l'ai rencontré au mois de janvier dernier. Ces travaux sont en eux-mêmes d'une très grande utilité pour notre sujet, dans la mesure précisément où ils s'appuient sur ces sources difficiles d'accès dont je parlais, et en particulier sur plusieurs collections de la presse locale dans les années 20 et 30, qui nous font accéder à un niveau de détail et d'immédiateté impensable avec les travaux secondaires que j'évoquerai rapidement la semaine prochaine. Mais il y a mieux. Quand je l'ai rencontré il y a 2 mois, M. Zheng m'a proposé, avec une générosité que je dois dire assez rare, de me communiquer des copies des documents en question, ce qui était techniquement assez facile à faire, puisqu'il s'agissait de documents numérisés, donc il avait lui-même photographié sur place, et qu'il suffisait donc de les copier sur un disque compact. Autrement dit, sans avoir eu à faire le moindre effort, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec dans mon ordinateur plusieurs centaines de pages de publications périodiques, d'enquêtes locales et d'archives en tout genre. Je suis bien sûr loin d'avoir eu le temps de regarder tout cela de près. Au reste, certaines de ces sources qui sont de nature, disons, en grande partie statistiques, notamment sur le régime foncier, sur la production agricole, etc., certaines de ces sources ont déjà été exploitées par M. Zheng dans ses propres travaux, et je n'ai pas de raison de refaire la recherche derrière lui. De même a-t-il extrait de façon relativement détaillée la substance d'un assez grand nombre d'articles et d'enquêtes publiés au Shaanxi dans les années 30, et qu'il a donc soigneusement photographié et stocké. Mais même sans se replonger dans le détail, je dirais que la simple vision, que le simple fait de feuilleter, ou plutôt de faire défiler sur l'écran, tous ces matériaux, ouvre des perspectives insoupçonnées sur un contexte qu'au départ je ne connaissais qu'à travers les publications de la CIFRC, lesquelles sont nombreuses, parfois précieuses, mais prennent malgré tout les choses d'assez haut, en tout cas sur les sujets qui nous concernent, et à travers un nombre somme toute limité de sources secondaires en chinois, même en comptant tout ce qui a été publié dans les Wenshuziliao, dont je n'ai encore évoqué qu'une partie. Et déjà, cela permet, donc, en feuilletant toutes ces sources, de visualiser en quelque sorte l'activité frénétique d'enquête, de publication, de propagande et, comme on dirait, de communication qui a accompagné la grande famine de 1928-1930, certainement l'une des crises les plus épouvantables traversées par la région pendant toute son histoire. Ces matériaux sur la famine, à l'occasion de laquelle, comme nous l'avons déjà vu, ont été finalement entrepris les travaux d'aménagement du Weibei, dont on parlait depuis plus de 10 ans, et ce, grâce à l'intervention de la CIFRC, ces matériaux, du moins ceux qu'a recueillis M. Zhenglei, datent essentiellement du 1930, et surtout de la période inaugurée par l'installation du pouvoir nationaliste dans la province, à la fin d'octobre donc de cette année 1930, lorsque les préoccupations humanitaires et la reconstruction d'une économie dévastée ont pu enfin prendre le pas sur les préoccupations purement militaires. Je veux dire que la période antérieure est beaucoup moins couverte dans ces archives ou dans ces documents que j'ai, qu'on m'a communiqué, bien qu'on ait quelques publications malgré tout sur la famine et sur les efforts locaux pour la combattre, datant de 1929 et encore du milieu de 1930. Je reviendrai, bien sûr, le jour venu sur cette famine de 1928-1930 au Guangzhou, mais je voudrais dès maintenant, puisque nous parlons de sources, je voudrais dès maintenant vous donner un exemple qui me semble particulièrement frappant de cette activité frénétique d'enquête, de publication et de communication dont je parlais. Il s'agit d'une revue hebdomadaire consacrée à la famine et au secours, dont le titre est Shanzai Zhoubao, donc l'hebdomadaire de la famine au Shanxi, et dont les 9 numéros sont parus entre le 28 novembre 1930 et le 26 janvier 1931. La revue semble s'être arrêtée après cela par manque de moyens et peut-être aussi par manque ou par insuffisance de collaborateurs. Ces difficultés, en tout cas, sont mentionnées dans les éditoriaux des deux derniers numéros, et le dernier en particulier se plaint de ce que l'insuffisance des collaborations est la conséquence, disent-ils, de la famine intellectuelle, Xue Shurang, de la famine intellectuelle qui ferait du Shanxi un désert, comme la famine tout court. Et je le mentionne au passage parce que l'arriération intellectuelle du Shanxi, par contraste avec les provinces côtières, est un thème qu'on rencontre assez fréquemment chez Li Zhe et dans son milieu. Dans tous les cas, les 2 mois pendant lesquels est paru le Shanzai Zhoubao devaient être particulièrement intenses, puisque le gouvernement de Yang Hucheng et les pompes du régime nationaliste venaient d'investir Xi'an, que Yang manifestait l'intention d'intervenir énergiquement contre la famine, et que, du fait même du changement politique, la province était en quelque sorte retournée dans le giron du gouvernement de Nankin et pouvait par conséquent solliciter son aide. Ce qu'elle a fait en effet avec une insistance extrême, bombardant les autorités de télégrammes et tentant de faire jouer les personnalités influentes au sein du régime, mais en fin de compte sans grand résultat. Il semble, mais ça il faudra voir de plus près, que le gouvernement avait promis, enfin c'est sûr qu'il l'avait promis en tout cas, un emprunt public de 8 millions de yuan pour les secours au Shanxi, qui s'appelait donc le Shanzai Gongjai. Mais l'argent n'arrivait pas malgré les supplications, et autant que je sache, pour le moment, il n'est jamais arrivé. Pour y revenir, je ne sais pas si les responsables de la revue avaient des difficultés à trouver des collaborations, mais ce qui me frappe justement, c'est le nombre et souvent la qualité des articles, la masse d'informations, la richesse et la variété extrême du contenu, et même le soin matériel apporté à une publication qui paraissait malgré tout, et en principe encore toutes les semaines, qui paraissait à un moment où la situation économique était catastrophique et où les conditions matérielles de fabrication devaient être acrobatiques. Par exemple, la plupart des couvertures sont en couleur. L'éditeur du Shanzai Zhoubao était un comité ad hoc mis en place pour combattre la famine, appelé Association provinciale du Shanxi de lutte contre la famine, c'est-à-dire Shanxi Chenwuhui, dont il me reste d'ailleurs à déterminer exactement quel était le statut, notamment par rapport au gouvernement provincial. Pendant cette période, en tout cas, cette association, donc, ou cette Hui, se réunissait constamment, et elle semble avoir eu pour rôle de coordonner les multiples efforts pour intervenir contre la famine mentionnée par ailleurs. En tout cas, on constate que les principaux responsables étaient presque toujours des philanthropes en vue, le plus souvent, mais pas toujours, originaires de la province, sans nécessairement en être d'ailleurs des résidents réguliers. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur les couvertures de la revue. Ces couvertures étaient, comme souvent en Chine, calligraphiées par des gens en vue, dans un style de préférence un peu recherché, soit par sa simplicité, soit au contraire par sa fantaisie, qui signaient leur œuvre, qui signaient donc leur calligraphie. Et justement, on y retrouve plusieurs de ces responsables et de ces philanthropes dont je viens de parler. L'un des intérêts de la revue, c'est de mettre en évidence la multiplicité d'organisations philanthropiques religieuses ou autres qui tentaient d'intervenir et simplement qui étaient sollicités de partout, dont bien sûr la CIFRC et son chapitre local, mais aussi la Croix-Rouge, qu'il s'agisse de la Croix-Rouge locale ou des chapitres de la Croix-Rouge basés à Pékin ou à Shanghai, auxquels on envoyait donc des salves de télégrammes pour appeler au secours. Dans le Shanzai Zhoubao, la Croix-Rouge est parfois appelée Hongshu Zhehui, ce qui est son nom normal ou habituel en chinois. Mais la plupart du temps, elle est appelée Hongwanhui. En d'autres termes, pour croix, de Croix-Rouge, on emploie non pas le caractère 10, comme d'habitude, mais bien plutôt le symbole bouddhiste de la swastika, ce qui me paraît un détail intéressant, même si pour le moment, je n'ai pas d'interprétation particulière à en proposer. En dehors peut-être du fait qu'il pourrait refléter l'omniprésence des organisations charitables bouddhistes au Shanxi pendant cette famine. Or, cette omniprésence, qui ressort clairement de la revue dont je suis en train de parler, est complètement occultée dans les rapports de la CIFRC, dont les interlocuteurs religieux étaient toujours les missionnaires chrétiens basés dans les régions où elle travaillait. Cela dit, il sera intéressant de savoir si on trouve d'autres exemples où la Croix-Rouge est appelée en chinois Hongwanhui. En dehors de cela, on a toujours dans cette même revue de nombreuses informations sur les personnalités importantes et sur leurs activités. Par exemple, Yu Ren, de loin le plus célèbre de tous, qui est traité comme une superstar, car on voit en lui à la fois un fils du pays et le dignitaire le mieux implanté au centre du pouvoir à Nankin. Alors qu'en fait, s'il était bien président de la chambre de surveillance, donc du yuan de surveillance, du Tianxia Yuan, et par là même un des plus hauts personnages de l'État, il ne faisait en fait pas partie du cercle rapproché de Chiang Kai-shek. Dans tous les cas, les lettres et les rapports qu'il adresse à ce dernier, ainsi qu'aux différents organes du gouvernement central, pour les informer de la situation et pour leur demander de l'aide, sont systématiquement reproduits dans la revue. Autre exemple, l'ex-général Zhu Qinglan, donc Zhu Zexia, dont nous avons parlé, est également un personnage dont on parle tout le temps dans cette revue. Et bien sûr, les faits et gestes du gouverneur Yang Rucheng sont scrupuleusement rapportés, en tout cas tout ce qui a rapport avec la famine et les secours. On trouve également dans les numéros du Shanzai Zhoubao plusieurs articles de fond très documentés sur des questions comme la culture du pavot, dont l'omniprésence est dénoncée comme une des causes majeures de la famine, ça c'est un problème sur lequel nous reviendrons, ou des problèmes comme le problème foncier au Guangzhou qui aurait été considérablement aggravé par l'administration du seigneur de la guerre Fang Yuxiang avant l'arrivée des nationalistes et par les circonstances de la famine, au sens où ces circonstances et cette administration avaient encouragé la concentration foncière au profit des marchands et des militaristes. Mais ce sont aussi des points dont je reparlerai et qui ont été très bien étudiés par M. Zheng d'ailleurs. Ou encore, autre exemple, des articles sur les origines des désastres naturels et sur la façon des origines scientifiques des désastres naturels et sur la façon de les combattre. Et sur d'autres sujets encore. Enfin, on a des éditoriaux et des rubriques régulières de débats, des informations ponctuelles, des citations de documents officiels, des illustrations et des caricatures, des essais littéraires, des poèmes, quelques citations de textes anciens sur les méthodes de secours, donc sur ce que j'ai appelé ailleurs l'administration de la famine, des citations de Sun Yat-sen ou de Chiang Kai-shek, etc. Toutes choses que je n'ai pas eu le temps de parcourir assez vite. Mais je dirais pour conclure que, en plus de la masse d'informations qu'elle contient, cette revue éphémère soulève quelques questions intéressantes, comme par exemple le fait qu'un très grand nombre de contributions sont signées par des pseudonymes, et parfois des pseudonymes bouddhiques, là encore, et qu'en fait elles semblent avoir été fabriquées par un très petit nombre de personnes travaillant d'arrache-pied et dans une ambiance quelque peu survoltée. En d'autres termes, il reste à y regarder d'un peu plus près pour mieux comprendre comment ces efforts frénétiques pour faire face à la catastrophe économique et humaine dont était victime la province, et d'abord la région centrale du Guangzhou, qui nous intéresse au premier chef, comment ces efforts s'articulaient par rapport au pouvoir tout juste installé à Xi'an, la part de collaboration avec ce pouvoir, ou alors de pression sur lui, ou même d'opposition ou de critique, et enfin le rôle et l'identité même des personnes qui s'exprimaient dans cette revue, et ainsi de suite. En tout cas, même s'il ne couvre que 2 mois d'informations, mais il est vrai 2 mois d'une importance tout à fait cruciale dans l'histoire de la période, et qui semblent avoir été vécus comme un véritable basculement après l'anarchie des années précédentes, Même s'il ne couvre que deux mois d'information, le grand intérêt de l'hebdomadaire de la famille Nochansi est que cette information est immédiate, que pour le coup, elle est en temps réel, et non pas digérée et réorganisée après coup. Cela étant dit, il existe parmi les documents collectés par M. Zhengli quelques autres périodiques ou numéros de périodiques consacrés aux problèmes de la famine et, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces documents incluent aussi une masse considérable de matériaux d'enquête couvrant une tranche chronologique nettement plus longue et dont les plus techniques et les plus détaillés sont en fait postérieurs à ces événements et datent du milieu des années 30. Autrement dit, d'une période où la situation au Guangzhou s'était considérablement améliorée et où avait eu le temps de se mettre en place un dispositif administratif beaucoup plus stable et performant qu'au lendemain de la prise de Xi'an par les nationalistes, sans parler bien sûr de l'administration calamiteuse et prédatrice qui semble avoir caractérisé une bonne partie de la période précédente. Voilà du moins ce que je puis dire pour le moment de ce stock de sources primaires et d'origine locale qui est venu, miraculeusement, pourrais-je presque dire, compléter les sources beaucoup moins immédiates dont j'avais pu jusqu'alors me servir. De ces dernières, et je parle toujours des sources chinoises, il y aurait encore pas mal à dire. Il existe par exemple des compilations récentes de sources, toujours sur ce problème de la famine et des catastrophes naturelles, à l'époque républicaine, mais en Chine en général, basées sur des enquêtes officielles et surtout sur la presse de l'époque, qui sont faciles d'accès et qui permettent, dans le cas du Shanxi, de compléter les sources primaires dont je viens de parler. Mais il va de soi que ni les commissions d'enquête dépêchées par le gouvernement, ni les reporters envoyés par les grands journaux de Shanghai, de Tianjin ou de Pékin, ne pouvaient avoir sur ce qu'ils voyaient le même regard et ne pouvaient en parler avec les mêmes mots que les victimes de la famine et que les activistes locaux, dont une publication comme le Shanzai Zhoubao, fait passer les perceptions avec une immédiateté qui m'a paru tout à fait saisissante en parcourant les pages. Cela étant, le dernier type de source chinoise dont je voudrais encore parler est d'une toute autre nature et porte dans la plupart des cas sur des aspects de notre sujet tout à fait différents de ceux dont il vient d'être question. Avec ces sources, nous retrouvons essentiellement la politique et la guerre, et plus précisément les seigneurs de la guerre, lesquels, il est vrai, peuvent être comptés, que ce soit de façon directe ou indirecte, parmi les principales causes des famines endurées par les populations. Ces sources, pour l'annoncer tout de suite, sont de deux sortes, mais elles me semblent refléter des approches assez comparables. À savoir, il y a d'une part une propension à la narration détaillée basée sur des témoignages et des réminiscences, et dans tous les cas ne citant pas ou guère les matériaux sur lesquels elle s'appuie, et d'autre part, il y a, dans l'ensemble de ces sources dont je vais parler la prochaine fois, une orientation politique implicite mais très nette, qu'on pourrait caractériser en parlant d'un regard rétrospectif sur la période républicaine, informé par la téléologie, voire par les préjugés, communistes. Il y a d'abord quelques ouvrages récents, dont je dirai un mot très rapide, sur des personnages importants de notre histoire, comme justement Yu Jun et Yang Rucheng en particulier. Et il y a ensuite, et nous y revenons donc, une série de témoignages assez importante, extraits des Wen Shiziliao, consacrés aux seigneurs de la guerre au Shanxi et à leur environnement politico-militaire, sur lesquels ils nous apprennent en fait énormément de choses. Et la présentation de ces textes me permettra donc de faire la transition avec l'histoire proprement dite des premiers projets de construction, de reconstruction de l'irrigation au Guangzhou, lesquels projets ont été formulés dans un contexte politique et militaire extrêmement chaotique et que j'essaierai donc d'analyser. C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne. Présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut. Chers auditeurs, tous les jours sur France Culture, votre tête reste. chercheuse. Il y a une certaine intimité qui se crée par la radio. Cultura. Une forme d'intimité, finalement. Chères auditrices, écoutez. Il y a une parole qui se déplace, qui change le média. Enregistrement. Réfléchir, penser, c'est pas forcément de la prétention de l'éliquide. Ça devrait être, justement, pour reprendre l'expression d'Antoine Garapon, le bien commun. Écoutez, vous êtes sur France Culture. France Culture vous présente L'Orage, une pièce d'Alexandre Otrovski, mise en scène par Paul Desvaux, du 17 mai au 11 juin au Théâtre des Abbesses à Paris. Orage du ciel, orage du cœur et des sens dans le monde des marchands, Kostrovski, dramaturge russe né en 1823 à Moscou, a bien connu. Dans sa mise en scène, Paul Desvaux agence les éléments disparates de sa Russie intime, élaborée dans le hangar d'une tunétite à imaginaire. L'Orage, au Théâtre des Abbesses, du 17 mai au 11 juin, avec France Culture. Musique, théâtre, danse, cinéma, aime, art contemporain, aimera, toute la culture. J'ai vu des images à la radio. Pardon, monsieur le brigadier, vous êtes bien brigadier? Ouais. Brigadier. Brigadier de police? Un gauchiste de la police, sûrement. Non, je suis un homme qui réfléchit, qui se met simplement en colère. On en a assez dans la police de passer pour une bande de débiles qui marche au sifflet, à mon commandement, attaquer, aboyer, morder. Chien, garde, oui, des valets du pouvoir, des sbires du patronat. Gare à ceux qui osent discuter ou parler. Pas d'idée personnelle, silence, couchez là. Faut pas payer, de Dario Fo, dans une mise en scène de Jacques Michet, du 10 mai au 10 juin, au Théâtre National de Toulouse. Je crois rêver. Tout de même, la police, il en faut, non? Plus démocratique, bien sûr, mais il en faut. Voilà, je prends la défense de la police, si vous le savez, allez-y. Protestant contre la hausse des prix, une centaine de femmes d'une cité ouvrière dévalisent un supermarché et sont poursuivies par la police. Dario Fo s'empare de la situation pour en montrer l'envers grotesque. À la violence sociale, il répond par un éclat de rire grinçant et libérateur. Croyez-moi, les réformes sérieuses, si les gens commencent à réfléchir, ils doivent les faire eux-mêmes. Et tant qu'ils restent confiants, patients, compréhensifs, responsables, autodisciplinés et tout le reste, rien ne bougera. Faut pas payer, une création du Théâtre National de Toulouse, du 10 mai au 10 juin, avec France Culture. France Culture, partenaire. Rencontre chorégraphique internationale de Seine-Saint-Denis, du 13 mai au 5 juin. Brassage des genres, des formes, des cultures, une vingtaine de spectacles et de chorégraphes offriront leur lecture du monde contemporain. Avec notamment Ouman Sharifi d'Iran, Yacinthe Abdoulaye Tobio du Tchad, Lia Rodriguez, d'Afrique du Sud Boisy Sekwana, Michael Loeb et André Gingras des Pays-Bas, de France Christian Rizzo, Georges Apex, Nasser Martin Gousset, Alban Richard. Rencontre chorégraphique internationale de Seine-Saint-Denis, du 13 mai au 5 juin, et sur France Culture, samedi 14 mai à 18h45, dans le chantier, en direct et en public de la MC 93 de Bobigny. Espantarás a tu última esperanza de tu puño. algo cariñoso y haz de tu adiós un ay, amor, y de tu ser una sonrisa y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidada tu cuerpo, muy lista pobre buba a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo, mujer desnuda que lista te quiera, a ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. Les chemins de la connaissance à 11h30 nous font redécouvrir un penseur de la démocratie, Tocqueville. Deuxième volet ce matin, Tocqueville et l'Europe, avec Françoise Mélonio, auteure de Tocqueville et les Français, paru chez Aubier. 11h, fiction feuilleton sur la route de Jack Kerouac dans une nouvelle